Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, Histoire vivante jusqu'à 14h. Vacarme, avec votre magazine L'Illustré. Histoire vivante, en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Le cop, c'est devenu l'ennemi. Cette semaine, l'Amérique et ses démons. It's a free country, right? C'est un pays libre, pas vrai? Des lynchages aux émeutes. Le bilan provisoire s'élève à 5 morts et 138 blessés. Un monde noir et blanc. Plusieurs victimes ont été touchées par balles et d'autres battues. You cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. And a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Les flambées de haine qui se sont produites dans divers points des États-Unis au cours du week-end dernier, mettant aux prises des blancs contre des noirs, ont continué cette nuit. Le racisme chez les blancs est peut-être dur à supporter pour les noirs, mais c'est aussi le problème des blancs. La ségrégation raciale aux États-Unis est-elle un thème ancien? C'est ce que nous nous demandions au début de la semaine. Et en renvoyant aux décennies d'événements raciaux qui prolongèrent la guerre de sécession à la fin du 19e siècle, nous nous sommes aperçus que la ségrégation raciale aux États-Unis était une longue histoire constituée de prises de conscience, de rébellions, de politisation, de revendications, de courants contraires, ennemis entre eux du même ennemi. Aujourd'hui, avec Christophe Weber, auteur du documentaire « Lynch, ces noirs au bout d'une corde », nous allons évoquer de nouveau ce thème. Parler avec Christophe Weber de ce qu'il a senti, lui, aujourd'hui, aux États-Unis où il est allé tourner. L'entendre sur ce qu'il a observé ou ressenti du racisme au quotidien dans le continent nord-américain. Avec lui, nous reviendrons bien sûr sur la genèse de ce très beau film et nous évoquerons également la situation toujours difficile du documentaire, un genre à la fois apprécié par le public, méprisé souvent par les diffuseurs et qui est, jour après jour, semaine après semaine, maintenu à la surface par des gens pleins d'enthousiasme qui se débattent dans un marché au mercantilisme peu caché. Comment faire toujours plus avec toujours moins une histoire bien vivante. Chapitre 1. Monsieur Weber, à vous de jouer. Bonjour, je suis journaliste réalisateur de métier depuis une dizaine d'années. J'ai réalisé pour plusieurs agences de presse télévisées françaises, on va dire quelques dizaines de reportages et documentaires. Le documentaire étant un genre que je traite, si je puis dire, que depuis quelques années. J'ai eu la chance, d'ailleurs, pour le premier documentaire que j'ai pu réaliser avec un co-auteur, Nicolas Guimois, d'avoir en 1999 le prix Albert Londres. Et voilà, et maintenant je suis permanent dans une agence de presse télévisée qui s'appelle Sunset Press. C'était sur quel sujet, le film de... Le film s'appelle « Les blanchisseuses de Magdalene ». Nous racontions l'histoire peu connue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisque le film Magdalene Sisters a eu le Grand Prix à Venise. Raconter l'histoire méconnue du sort réservé à des dizaines de milliers de jeunes femmes irlandaises dans le passé, qui étaient enfermées dans des couvents, dans la très catholique Irlande, parce que soit c'était ce qu'on appelait des filles mères, soit elles étaient supposées en danger moral. Alors évidemment, beaucoup de choses rentraient dans cette qualification. Et la dernière congrégation qui pratiquait ce genre de choses, a fermé ses portes à Dublin seulement en 1996. Alors, pourquoi les blanchisseuses de Magdalene? Parce que ces couvents étaient souvent appelés sous le terme générique de Magdalene Homes, des foyers pour Marie-Madeleine, pour Madeleine, pour pécheresse. Et blanchisseuses, parce que dans ces couvents, on les mettait aux travaux forcés et elles faisaient de la blanchisserie. Elles lavaient, ce qui est très symbolique, tout le linge sale de la société irlandaise. Et on a fait donc un documentaire là-dessus avec Nicolas. Et nous avons eu donc l'immense bonheur d'avoir le prix Albert Londres pour ce documentaire. Aujourd'hui, rencontre avec un réalisateur primé, Christophe Weber. Primé et éclectique, ça va si on dit comme ça ? Éclectique, passionné par beaucoup de sujets, mais il est vrai que je suis plus particulièrement passionné par des sujets qui ont une toile de fond historique et qui souvent se déroulent quelques décennies en arrière, dans le passé. Tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'on connaît très mal notre histoire et que souvent, ce qui s'est passé évidemment il y a quelques décennies, voire plus longtemps, a toujours des incidences et des répercussions très fortes dans nos sociétés. C'est pour ça qu'en fait, par vocation, par passion, parce que je suis un passionné d'histoire, j'ai plutôt tendance à traiter de sujets qui se déroulent dans le passé, mais qui ont toujours une forte présence dans notre mémoire collective, qu'on le sache d'ailleurs ou pas. Extrait de Lynch, c'est noir au bout d'une corde, de Christophe Weber. Springfield, Missouri, 1906. Lynchage d'Horace Duncan, Will Allen et Fred Coker pour une allégation mensongère, viol d'une femme blanche, médaille souvenir. Souvenir de trois nègres pendus, brûlés le jour de Pâques. Okima, Oklahoma, 1911. Lynchage de Laura Nelson et de son fils, un gamin de 14 ans, accusé du meurtre d'un policier blanc. C'est le barbecue qu'on s'est fait la nuit dernière. Lynch, c'est une pratique. C'est une pratique qui était quasiment une institution dans la société américaine il y a encore quelques décennies. La pratique du lynchage, ça consistait, c'était une forme de justice parallèle qui cohabitait à côté du système judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des foules, des bandes plus ou moins organisées qui rendaient elles-mêmes justice, souvent, la plupart du temps, en assassinant des personnes qui étaient suspectées d'avoir commis un délit ou un crime ou qui venaient d'être condamnées pour un délit ou un crime. Alors c'est vrai que cette loi de Lynch qui a donné donc le lynchage est apparue, on va dire officiellement, dans l'histoire américaine au moment de la guerre d'indépendance, au dernier quart du XVIIIe siècle. C'est ensuite perpétué dans la société américaine jusqu'à devenir, de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 60, une pratique encore plus terrifiante, puisqu'elle s'est attaquée essentiellement à des gens appartenant à la communauté noire, ce qui était une façon pour les blancs de maintenir par le terrorisme les noirs sous contrôle et surtout sous le joug d'une domination politique, économique et sociale. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? C'est quelle rencontre, quelle coïncidence ? Il n'y a jamais vraiment de rencontre ou de coïncidence. Disons que me passionnant pour l'histoire en général, je me passionne beaucoup pour l'histoire des pays anglo-saxons, les États-Unis. Et il y a 2 ans, j'avais eu l'occasion déjà de faire un premier sujet de reportage pour Arte sur l'histoire d'un massacre complètement oublié dans l'histoire américaine qui s'est déroulé en 1921 dans la ville de Tulsa, dans l'Oklahoma, où en une nuit, plusieurs centaines de Noirs ont été massacrés par les Blancs à la suite d'un lynchage justement avorté. Et ça a été l'éradication dans cette ville d'une communauté noire qui s'annonçait prospère, qui avait déjà une classe moyenne et qui, en l'espace d'une nuit, du fait de la vengeance et de la fureur de la populace blanche, a été littéralement décimée, ce qui a entraîné l'exode d'ailleurs du reste de la communauté noire après. Et en travaillant une première fois sur ce sujet, en étant sur place, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir plus en profondeur de l'ampleur du problème des lynchages et des violences raciales. J'avais pas besoin de faire ce sujet pour connaître des violences raciales, mais sur ce problème spécifique des lynchages et de la façon dont ça a marqué durablement la société américaine, je me suis dit il y a un autre sujet en profondeur à faire sur ce thème, sachant quand même qu'aujourd'hui, dans des dizaines de villes américaines, un lynchage qui a eu lieu il y a parfois un siècle, 80 ans, 70 ans, 50 ans, 40 ans, imprime, marque toujours durablement la mémoire de la ville et surtout, il y a aujourd'hui un militantisme qui consiste à dire nous voulons la justice maintenant, nous voulons savoir ce qui s'est passé quand 1, 2, 3 ou 4 personnes ont été assassinées dans notre ville. Ça a été fait devant un tribunal à Sumter, Texas. C'est un garçon noir de 16 ans. Il avait tué la grand-mère d'Earl. C'était la mère de Florence. Donne ça à Bud, de la part de Tante Myrtle. photo paradoxe. La loi de Lynch, c'est carnaval. On pose, on parade, on se montre, on se marre. Et puis, immédiatement, un linceul. Le crime se drape d'un épais silence. Conclusion systématique des rares enquêtes menées dans le passé. Mort aux mains de personnes inconnues. Alors, le film pourrait être entièrement tourné vers le passé. Il l'est en grande partie, mais il s'inscrit aussi dans l'époque actuelle, puisque dans votre sujet, vous avez l'occasion d'interviewer plusieurs personnes. Comment les ouvertures se sont faites? Vous saviez qu'il existait aux États-Unis des gens que vous auriez la chance de pouvoir rencontrer, qui pourraient porter leur témoignage? Oui, parce que déjà la première expérience que j'avais eue il y a plus de 2 ans à Tulsa dans l'Oklahoma et dans la ville de Springfield dans le Missouri, j'avais rencontré dans ces villes des militants qui eux-mêmes me parlaient d'autres militants dans d'autres villes qui étaient concernés par la même cause, c'est-à-dire obtenir la justice, obtenir réparation pour des lynchages qui avaient eu lieu à des époques plus ou moins lointaines, concernant essentiellement la communauté noire. À partir de là, ma première démarche, ça a été de pouvoir réenquêter, de pouvoir étoffer, on va dire, mes connaissances et mon réseau de contacts, pour ensuite choisir un endroit, pas démultiplier les exemples, pour choisir un endroit qui me semblait particulièrement représentatif aujourd'hui de ce problème des lynchages et des répercussions que ces histoires peuvent encore avoir sur des communautés dans différentes villes, communautés aussi bien noires que blanches. Et alors cet endroit, ça a été lequel? C'est Monroe en Géorgie. Say it loud, I'm black and proud. Dis-le haut et fort, je suis noir et fier de l'être. James Brown signe là un titre qui deviendra un slogan de la lutte pour les droits civiques. Christophe Weber, journaliste réalisateur de documentaires, s'est donc rendu à Monroe, en Géorgie, état du sud des États-Unis, pour y tourner une partie de son sujet, Lynch, ces noirs au bout d'une corde. Monroe, c'est l'archétype de la petite ville du sud des États-Unis, si calme, si paisible, si éloignée du bruit et de la fureur des mégalopoles forcément inhumaines. Monroe, c'est une petite ville où il ne se passe rien, sinon la vie. Monroe, c'est une de ces petites villes du sud où, comme dans des dizaines, des centaines d'autres petites villes, un ou plusieurs crimes racistes ont été perpétrés dans un simulacre de justice. Pendaison, lynchage, corps mutilés, torturés, brûlés. Ce sont ces milliers de cas que depuis 10 ans, une équipe de chercheurs américains répertorie minutieusement, une équipe conduite par le professeur Beck de l'université d'Athènes en Géorgie. Cela ne représente pas qu'un simple homicide ou quand il y a un simple conflit racial entre un noir et un blanc et le noir en question est abattu. Un meurtre racial. Cela représente quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important. Ce qui se passait, c'est que nous avions une structure sociale qui se demandait comment garder les Noirs sous contrôle. Et cette structure sociale avait deux fondations. D'un côté, la loi de la ségrégation, qui fonctionnait jusqu'à ce que la Cour suprême la déclare illégale en 1954. Le pilier légal du contrôle par les Blancs. D'un autre côté, il y avait cet autre contrôle, par le terrorisme. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de gens qui meurent d'une façon violente, mais ce que ces gens étaient, c'était de simples pions pris dans ce terrorisme qui était nécessaire pour contrôler la population noire. Vous avez été surpris, quand même, de ce que vous avez découvert ? Surpris, non, parce qu'en fait, je connais bien les États-Unis et j'avais déjà eu l'occasion, par le biais de différents sujets, d'approcher ce problème des violences raciales il y a plusieurs années. Ce qui me surprend toujours, en revanche, c'est peut-être moins ce que cachent les gens qu'au bout d'un moment, leur volonté d'en parler, finalement. Et ça, c'est notre métier, on est toujours surpris en se disant « mais c'est pas possible, on va pas y arriver » ou « quel est leur intérêt à parler ?» et on s'aperçoit que finalement, les gens arrivent à parler au bout d'un moment et ça, c'est toujours surprenant. Quand vous dites les gens, c'est-à-dire de quel côté ? Du côté des victimes ou du côté de ceux qui agressent ? Des deux côtés, parce que en ce qui concerne le lynchage, ce qui est spécifique, c'est qu'encore aujourd'hui, en ce qui concerne les descendants de victimes de lynchage ou tout simplement des gens appartenant à la communauté noire, ce n'est pas toujours simple d'en parler, parce que je crois qu'il y a toujours un restant de peur. Qu'est-ce qui pourrait me retomber sur la gueule, pour parler vulgairement ? En ce qui concerne les blancs, je dirais qu'il y a un mélange souvent de « qu'est-ce que vous venez nous emmerder ? Pourquoi vous venez encore nous emmerder là-dessus ? Ça a changé, n'en parlons plus. » Il y a encore évidemment des haines, vous avez aussi des gens de bonne volonté. Je crois qu'on trouve à peu près tous les types de comportements dans les deux communautés. Mais c'est vrai que les Noirs, de fait, ont encore du mal à en parler. Ouvertement, librement. Je crois qu'il y a toujours la peur qui est là. Extrait de Lynch, ces noirs au bout d'une corde, de Christophe Weber. Il a sorti un calibre 38 de sa poche. Il m'a bien laissé le regarder, me le pointer là, sur mon front. Il m'a dit, si tu me dis pas la vérité, je te bute. Je lui ai dit, tu vas être obligé de me tuer parce que j'ai rien à te dire. Je ne sais rien de ce qu'ils ont fait, ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien demandé. Ce mec, il continuait à me poser des questions, à me pointer le flingue sur mon visage, et il me cognait. Il avait une bague au doigt, il m'a coupé au visage, là, et il m'a coupé de l'autre côté, et il me cognait. Je suis resté à l'hôpital une semaine ou plus, et je me suis retrouvé dans un foyer pour jeunes. À chaque fois que j'entendais une voiture, n'importe où, je sursautais. J'en étais malade. Pas quand ça s'est passé, je tremblais pas. Mais je pensais qu'ils allaient revenir et me choper. Christophe Weber, après cette aimable comédie musicale sur le racisme et ses joyeusetés, vous travaillez sur quel sujet maintenant? Quelque chose de moins incandescent? Incandescent, je ne sais pas. Je termine actuellement un film documentaire pour France 3 sur intitulé gentiment Enfant de Bosch. C'est sur un aspect assez méconnu de notre histoire en France et qui est peut-être un des derniers grands pans cachés de notre triste histoire pendant l'occupation. C'est le très très grand nombre d'enfants nés de militaires allemands et de femmes françaises pendant ces années-là. Très très grand nombre, parce que ils représentent quoi? Ils sont, d'après l'enquête que nous avons menée conjointement d'ailleurs avec l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui est un laboratoire du CNRS, qui est finalement la première institution historique en France qui s'intéresse spécifiquement à ce sujet-là. Nous avons donc travaillé un peu main dans la main pour cette enquête et puis aussi pour trouver des portraits aujourd'hui, parce que c'est un sujet éminemment tabou. Il semblerait qu'on s'achemine vers jusqu'à 200 000 naissances. Vous écoutez Histoire vivante, aujourd'hui en compagnie de Christophe Weber, réalisateur de Lynch, c'est noir au bout d'une corde. Christophe Weber, dernière question, c'est une question un petit peu récurrente avec tous les documentaristes ou journalistes qu'on reçoit dans l'émission. Comment se porte, à votre point de vue, le documentaire aujourd'hui? Est-ce qu'il vit des bons moments? Est-ce que c'est difficile? Non, c'est difficile. C'est difficile, je vais parler au moins pour l'Hexagone, parce que je sais que ça se passe mieux a priori dans certains pays étrangers. Je crois que en ce qui nous concerne en France, je pense que tout simplement nous n'avons pas des budgets qui sont à la hauteur du travail qui est exigé. Et d'autre part, il y a un champ parfois de curiosité et d'intérêt pour les diffuseurs, un champ qui a un peu tendance à se restreindre. J'ai un peu envie de dire qu'on demande aux documentaires beaucoup, c'est-à-dire notamment d'essayer de réaliser des audiences, alors que malheureusement, contrairement à ce qu'affichent régulièrement les Français dans les sondages, puisque le Français, avec son compte à soi, déclare régulièrement, spontanément, que ce qu'il préfère regarder à la télévision, c'est les documentaires. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et on demande aux documentaires d'essayer de plus en plus de rivaliser ou d'essayer d'avoir des taux d'audience supérieurs à ce qu'il a actuellement. Et je dirais malheureusement que ce n'est pas vraiment possible. Donc on se retrouve de plus en plus confronté aujourd'hui à une demande qui est des sujets qu'on appelle concernants ou consensuels, mais qui en fait sont tout simplement des sujets qui louchent vers des aspects grand public avec pas forcément un sens positif quand je dis grand public. Sans vouloir jouer non plus à un élitisme forcené, loin s'en faut, mais je dirais que notre problème aujourd'hui c'est un peu ça. À titre indicatif, combien de temps de travail sur Lynch? Lynch, moi je serais tenté de dire que j'ai commencé finalement à travailler là-dessus quand j'ai commencé à faire ce premier sujet pour Arte il y a 2 ans et demi. Pour moi c'est un travail qui s'est prolongé par ce film et que j'espère pouvoir prolonger encore dans 2 ans ou 3 ans, pour essayer encore de d'approfondir ce sujet-là. Je dirais qu'évidemment, ça ne m'a pas pris un travail à plein temps, mais c'est en tout cas un sujet, si on parle spécifiquement de ce film, La loi Lynch, qui a été en gestation et mise en œuvre, ça a demandé un gros travail pendant près de 2 ans, même si je n'ai pas travaillé à temps plein là-dessus, hein, c'est clair. Non mais en tout cas ça indique bien effectivement la nécessité, la nécessaire imprégnation complète du sujet pour pouvoir finalement le traiter et puis au moins proposer quelque chose qui, comme Lynch le fait, éclaire particulièrement sur à la fois une période et puis un pan culturel de la civilisation américaine. Christophe Weber, je pense qu'on se retrouvera très bientôt parce que d'autres documentaires suivront et qu'on aura un vif plaisir à les découvrir. Avec grand plaisir. Bon courage à vous et puis à bientôt. Bon courage à vous et merci beaucoup. Dimanche prochain sur RTS2 et depuis le début de la semaine sur le site des docs de la RTS, vous pouvez découvrir le documentaire « Le livre vert, guide de la liberté ». Petit résumé, Dans les années 30, un postier noir de Harlem, Victor Green, a publié un livre qui va devenir à la fois guide de voyage, mais également guide de survie, le Negro Motorist Green Book, qui va aider les Afro-Américains à voyager en toute sécurité dans les États du Sud dans les années 60 et va servir également cet ouvrage de catalyseur pour de nouvelles entreprises. Le livre vert, Guide de la liberté, c'est à voir dimanche soir sur RTS2. Le Green Book est un outil indispensable qui permet aux Afro-Américains d'éviter les endroits parfois dangereux où ils ne sont pas les bienvenus. L'accès aux plages et aux piscines était ségrégué. Les Noirs avaient accès au bain une journée par semaine, et c'était la veille du jour de nettoyage de la piscine. Les piscines sont aussi des points chauds, donnant lieu à des conflits raciaux qui éclatent avec violence. Manager James Brock tossed cleaning chemicals inside the pool in an effort to get the Negroes to leave. Les Afro-Américains créent donc leur propre lieu où passer des vacances sans crainte d'être harcelés. Victor Green savait que bien des Noirs dans le pays utiliseraient ce guide non seulement pour voyager en sécurité, mais aussi pour leurs loisirs. En 1948, Green ajoute une nouveauté capitale à son guide. Il crée un service de voyage qui permet aux lecteurs de réserver des chambres dans des hôtels ou des centres de villégiature répertoriés dans le guide. Très vite, des centres de vacances ouverts aux Afro-Américains se développent à travers le pays. Ce qui est merveilleux avec le Green Book, c'est qu'il met au jour la vérité cachée au sujet de la communauté afro-américaine. Des gens normaux qui font partie de la classe moyenne, qui prennent le temps de voyager à travers le pays, de visiter le parc de Yellowstone ou d'aller à la plage. Le guide de Victor Green était la preuve que c'était une réalité. Qui va payer les dégâts causés à mon âme ? Jill Scott Heron, jeune auteur, compositeur et poète, prône l'amour-propre et la fierté pour combattre pacifiquement le racisme. Who pay reparation on my soul, Jill Scott Heron. Many suggestions and documents written. Many directions for the aid that was given. They gave us pieces of silver and pieces of gold. She's got to get.